fait d'avoir tout du mauvais côté, d'être mal élevé, de vos yeux pour ne rien voir, sinon faire de faux pas, en pensant sans plus savoir qu'en ce moment ça ne va pas. Mais voilà, ça ne va jamais, c'est à croire que l'on fait exprès de voir tout du mauvais côté, d'être mal élevé. Côté, d'être mal élevé.